Papy, il a une voiture de collection et il n'y a pas de ceinture dedans. Et ben moi, hier, j'ai oublié de la mettre. Bah moi, pour venir à l'école, je ne m'attache même pas parce que c'est tout prêt. Et si nous transmettions la bonne attitude, la ceinture, c'est aussi pour les petits trajets. Assurance Prévention, une association de la Fédération Française de l'Assurance. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de l'histoire. Aujourd'hui, vie et mort du capitalisme. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le capitalisme produit des zombies, ou plus précisément, le progrès technique et la consommation de masse produisent des zombies de ceux qui n'existaient pas les siècles passés. Nous les voyons tous les jours dans les rues de nos villes, dans les couloirs du métropolitain, sur les passages piétons. Ils avancent, la tête basse, le regard perdu, le palant, ils se déplacent en ligne droite avec le risque de heurter celui ou celle qui vient en face. Parfois, c'est un autre zombie. Ils risquent leur vie quand ils ne voient pas approcher l'automobiliste ou le cycliste. Il y a des accidents de zombies, même si une sorte de pouvoir surnaturel leur fait souvent éviter le choc. Ces zombies-là, ceux de notre siècle, ont greffé entre les mains un téléphone portatif dont l'écran les hypnotise. Que regardent-ils ? Les actualités, les cours de la bourse, un film de zombies ? Sans volonté, ils semblent vidés de leur substance. Je suis, parfois, hélas, aussi de ces zombies, de ceux qui avancent le regard baissé sur leur smartphone et qui soudain relèvent la tête, surpris de constater que notre monde capitaliste, sans cesse à la recherche du veau d'or, fait ressurgir la figure ancienne des cultes vaudous. Cette semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'intéresse à un sujet capital, le capitalisme. Vie et mort du capitalisme. Aujourd'hui, est-il possible de fixer une date de naissance pour le capitalisme ? Et puis, peut-on imaginer sa mort ? Des émissions. Et vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet le cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Alors, c'est vrai qu'il est difficile de donner une date de naissance du capitalisme. Remonte-t-il à la révolution industrielle ? À la prise de pouvoir de la bourgeoisie, à la réforme protestante, pourquoi pas au voyage de la Renaissance, et qu'en est-il de sa mort ? Eh bien, pour nous en parler aujourd'hui, Quentin Ravelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS, vous enseignez la sociologie et la science politique à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Université Paris 8, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, hein, Brique rouge, dette, logement et lutte sociale en Espagne, la stratégie de la bactérie aussi sur l'industrie pharmaceutique. Dites-moi, Quentin Ravelli, vous portez un regard de sociologue sur le capitalisme. Comment un sociologue s'intéresse à la naissance du capitalisme ? En fait, pour comprendre les enjeux aujourd'hui, vous êtes obligé de regarder par le passé. Oui, on est à la fois obligé de regarder les dates, les faits, les chiffres, et en même temps, tout ça ne sert pas véritablement à comprendre quand cette grande épopée du capitalisme a commencé. Il faut des modèles, et c'est vrai qu'il faut un modèle d'explication de l'ensemble de la société pour pouvoir comprendre comment tout ça débute. Ça aide, mais ça ne suffit sans doute pas. On va le voir dans le cours de l'émission. On peut remonter très haut, jusqu'à quelques siècles avant Jésus-Christ, sans être complètement certain d'avoir trouvé le bon moment. Même si j'ai ma petite idée, mes idées personnelles sur la question. Eh bien, Quentin Ravelli, vous nous le direz, vous êtes un auteur d'un article sur cette question dans la revue Tracé, revue de sciences humaines, intitulé « Faire époque ». C'est intéressant, ça, comme titre, « Faire époque ». Et puis, pour nous parler d'une éventuelle mort du capitalisme, en tout cas d'une représentation possible de la mort du capitalisme. Manouk Borzakian, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, post-doctorant à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et l'auteur de Géographie Zombie, les ruines du capitalisme. C'est aux éditions Playlist Society. Dites-nous, Manouk Borzakian, le géographe que vous êtes porte lui aussi un regard avec une démarche d'historien sur le capitalisme, mais les deux disciplines sont très liées. Enfin, on parle de sociologie, nous parlons de géographie. Quel est le regard que le géographe porte sur l'histoire du capitalisme ? Le capitalisme, disons, en général, d'un point de vue théorique, et puis selon ses époques, génère des géographies propres, qui ont été. Alors, on s'est surtout intéressé aux temporalités du capitalisme, mais depuis les années, je pense, disons depuis Henri Lefebvre, les années 60, 70, on s'est aussi beaucoup intéressé aux dimensions spatiales du capitalisme et à la manière dont les territoires sont reconfigurés par les exigences du capitalisme. Le géographe, le sociologue, dans une émission d'histoire, c'est exactement ce qu'il faut pour parler du capitalisme. À la fin de l'émission, dans le cours de l'histoire, nous retrouverons Anaïs Quin qui assure la programmation de l'émission. Anaïs Quin avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons ouvrir les portes de l'abondance. Oui, les portes de l'abondance, c'est le titre d'une vidéo officielle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Une vidéo officielle de 1953. Il y a un siècle seulement, l'homme n'avait à sa disposition pour tout instrument de travail que ses mains et quelques simples outils. Alors des inventeurs s'employèrent à créer de nouveaux outils, de meilleures machines, pour affranchir l'homme des limites imposées par sa force et sa résistance physique. C'était le but des découvertes et des recherches de Watt, Bessemer, Stevenson et bien d'autres. 1860, les voiliers sont abandonnés pour les machines à vapeur, le fer pour l'acier. Le télégraphe est inventé, la productivité vient de naître. 1870, davantage de charbon, de chemin de fer, de bateaux, de moteurs à vapeur, de fours, d'usines. 1880, et avant tout, davantage de machines en utilisation. Le téléphone surpasse le télégraphe. 1890, aux moteurs à vapeur viennent se joindre ceux à combustion interne et les moteurs électriques. Les portes de l'abondance sont ouvertes. Les portes de l'abondance, une vidéo officielle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche en 1953 pour essayer aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture de trouver une date de naissance possible pour le capitalisme, tout en sachant que bien sûr il n'y a pas de date de naissance, mais ce jeu intellectuel nous permet de réfléchir d'où vient le capitalisme. Quentin Ravelli, c'est vrai que dans l'idée générale que l'on pourrait avoir de l'origine du capitalisme, il y a la révolution industrielle, il y a l'industrialisation. Est-ce que cette origine industrielle du capitalisme vous convient, vous, avec votre regard de sociologue ? Cette hypothèse a le mérite du bon sens, et c'est ce qu'on retrouve dans les manuels scolaires, ce qui est évident, ce qu'on trouve dans les temps modernes de Chaplin, c'est l'explication par Germinal de Zola, qu'on retrouve parfois même chez Engels, qui considère que dans certains de ses textes, la naissance du capitalisme et de la classe ouvrière anglaise commence avec la machine à vapeur. Donc on a cette vision qui peut paraître assez convaincante, mais si on retrace cette lignée-là, qui est celle de la technologie, on voit que bien avant les luttes des ludistes qui essayent de détruire les machines avant de s'attaquer à des rapports sociaux plutôt qu'à la technique, on a des signes plus que précurseurs, et on peut remonter assez loin. L'attelage, la force motrice des machines à tisser remonte bien avant, donc on est un peu perdu, et surtout il faut qu'il y ait, c'est ça le principal obstacle, une classe politique au pouvoir qui instaure le capitalisme à l'échelle de pays entiers. Et ça, c'est pas possible simplement par la puissance d'une technique isolée, que ce soit le charbon, les chemins de fer ou autre. Donc il faut aller creuser dans l'histoire politique pour trouver de meilleurs arguments, et on abandonne cette idée pourtant séduisante. Oui, elle est séduisante, l'idée de l'industrialisation au 19e siècle, parce qu'elle est visible dans le paysage. On voit le chemin de fer, on voit les usines, les fumées, les mines. Vous parliez, Quentin Ravelli, de creuser. Bah oui, le 19e, l'industrialisation, ça creuse, il y a les mines. Dans cette image-là de l'industrialisation, qui est très visible, nous laissons de côté toute une réflexion, la mise en place d'idées. Malgré tout, il y en a une qui apparaît au même moment, c'est la lutte contre le capitalisme par, vous avez cité Engels, il y a Marx, il y a ces gens-là. Donc il y a malgré tout, pour l'industrialisation 19e siècle, une théorisation du capitalisme. Oui, complètement. Après, ça dépend ce qu'on entend évidemment par capitalisme. Si on le définit d'une certaine façon qui colle avec les arguments qu'on va avancer, tout de suite ça fonctionne bien. Le problème, c'est qu'il y a toujours des faits qui échappent à ce modèle-là, et on peut parler effectivement d'un capitalisme développé, mature au 19e siècle, aussi parce qu'il y a une classe ouvrière qui est déjà consciente d'elle-même, avec des syndicats qui naissent, des grèves, des luttes pour la réduction du temps de travail, l'abolition des conditions conditions de travail néfastes aux enfants, par exemple. En réalité, toutes ces luttes-là trouvent déjà en germe des éléments pour se développer dans les siècles précédents. Pas simplement dans la réalité sociale, mais aussi dans les théories, hein, c'est-à-dire tous les théoriciens de l'économie politique du XVIIIe siècle commencent déjà à défricher ces choses-là, bien avant la révolution industrielle. Bien avant la révolution industrielle, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais quand est né le capitalisme? Alors, nous l'entendons, la révolution industrielle, c'est séduisant. C'est intéressant pour dire que le capitalisme est arrivé à un moment très particulier de son histoire. Mais à vous écouter, Quentin Ravelli, ça ne suffit pas pour dire que c'est le moment de la naissance du capitalisme. Alors, quand est né le capitalisme? France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous cherchons la naissance du capitalisme aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Et justement, nous allons faire un petit détour sur une émission intitulée « Le sens de l'histoire ». C'était le 7 septembre 1976 sur la première chaîne de télévision française. L'industrie moderne, a écrit Karl Marx, a fait du petit atelier du maître artisan patriarcal de jadis la grande fabrique du capitalisme industriel. Des masses d'ouvriers concentrées dans la fabrique sont organisées militairement, soumises à la machine. Simples soldats de l'industrie, ces ouvriers sont placés sous la surveillance d'une hiérarchie complète de sous-officiers et d'officiers. Ils ne sont pas seulement les esclaves de la classe bourgeoise, de l'État bourgeois, mais encore, chaque jour, à chaque heure, les esclaves de la machine, du contremaître et surtout du bourgeois fabricant lui-même. Ce despotisme est d'autant plus mesquin, odieux, exaspérant qu'il proclame plus ouvertement le profit comme étant son but suprême. Le sens de l'histoire sur la première chaîne de télévision française, TF1, en septembre 1976, avec un message très clair et très net qui associe le capitalisme à la bourgeoisie. Quentin Ravelli, donc dans notre recherche des origines du capitalisme, c'est vrai que nous quittons la révolution industrielle du 19e siècle et nous regardons un petit peu ce qui s'est passé avant. Nous sommes au 18e siècle. Est-ce que la mise en place d'institutions bourgeoises, et je pense notamment à la révolution française, mais on pourrait regarder ce qui se passe aussi en Angleterre, est-ce que cette mise en place d'institutions bourgeoises est un élément qui permet de comprendre la naissance du capitalisme? Oui, je pense que pour certains historiens, c'est même l'événement principal qui explique ce qui suivra et qui est le résultat d'un long processus de transformation sociale, de décomposition du système féodal, dont les contradictions aboutissent à un nouveau système, pas simplement économique, mais bien politique aussi. Une démocratie, mais une démocratie bourgeoise, contrôlée effectivement par une classe sociale qui n'avait pas le droit de décider auparavant. Parmi les nombreux historiens qu'on peut citer, il y a celui d'Albert Soboul, par exemple, qui montre que le processus révolutionnaire de 1789 porte au pouvoir cette classe sociale de marchands, de commerçants, de bourgeois qui en étaient exclus jusque-là, mais qui commençait déjà depuis quand même quelques siècles à être dominant. Hein. On peut penser à Étienne Marcel, le prévôt des marchands, quelques siècles auparavant, qui commençait déjà être dominant économiquement. La difficulté étant que bon, ça marche pas pour tous les pays de la même façon. En 1688, en Angleterre, la Glorieuse Révolution, il y a des éléments qui laissent penser que ça fonctionne, mais c'est pas complètement généralisable et on va être ballotté comme ça vers l'idée qu'il y a peut-être d'autres explications à avancer. L'origine religieuse, par exemple, le capitalisme commerçant qui existe justement bien avant. Alors voilà, selon le critère qu'on se donne, on n'est pas toujours très sûr d'arriver à la bonne explication, quoi. Donc 1789 n'est peut-être pas la bonne date de naissance ni d'anniversaire du capitalisme. Bon, Ça ne suffit pas donc pour dire que la Révolution française ou le XVIIIe siècle, quand la bourgeoisie se dote d'institutions qui lui permettent d'asseoir son pouvoir, ça ne suffit pas pour dire que nous sommes à la naissance du capitalisme. Mais Quentin Ravelli, vous avez cité des origines religieuses. Et à ce moment-là de l'émission Le cours de l'histoire, je me tourne vers Nathalie Canoui, qui est prête à nous lire un texte, et pas n'importe quel texte, un extrait de L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, un ouvrage de Max Weber, un ouvrage essentiel qui relie le capitalisme à la religion. Pour résumer ce que nous avons dit jusqu'à présent, l'ascétisme protestant, agissant à l'intérieur du monde, s'opposa avec une grande efficacité à la jouissance spontanée des richesses et freina la consommation, notamment celle des objets de luxe. En revanche, il eut pour effet psychologique de débarrasser des inhibitions de l'éthique traditionnaliste le désir d'acquérir. Il a rompu les chaînes qui entravaient pareille tendance à acquérir, non seulement en la légalisant, mais aussi en la considérant comme directement voulue par Dieu. Plus important encore, l'évaluation religieuse du travail sans relâche, continue, systématique, dans une profession séculière, comme moyen ascétique le plus élevé et à la fois preuve la plus sûre, la plus évidente de régénération et de foi authentique, a pu constituer le plus puissant levier qui se puisse imaginer de l'expansion de cette conception de la vie que nous avons appelée ici l'esprit du capitalisme. Max Weber, que nous avons appelé ici l'esprit du capitalisme, dans son ouvrage L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme en 1920, un ouvrage essentiel qui nous est donc lu en direct par Nathalie Canoui. Nous sommes toujours à la recherche d'une date possible de naissance du capitalisme, non pas pour lui souhaiter son anniversaire, pour mieux le comprendre. Quentin Ravelli, quel lien y a-t-il à faire entre les origines religieuses possibles du capitalisme et puis l'analyse que vous, le sociologue, vous pouvez faire de ce mouvement? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'analyse de Max Weber, dont on vient de nous lire un extrait, ne dit pas du tout que le capitaliste serait un être poussé par l'avarice, l'appât du gain, qui chercherait toujours, pour ses propres plaisirs personnels, à s'enrichir indéfiniment, mais au contraire qu'il s'agit d'une ascèse, d'une éthique, d'une vocation qui permet l'accumulation illimitée des richesses, pas pour les bienfaits d'une personne en particulier, aussi riche soit-elle, mais pour accroître par principe, hein, par principe philosophico-religieux, son capital. L'exemple que donne Max Weber, c'est celui de Benjamin Franklin, dont on peut discuter, puisque Benjamin Franklin est à la fois quelqu'un qui s'inscrit dans cette dynamique-là, mais qui arrive tard. Après, finalement, d'autres précurseurs. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans l'explication, l'éthiologie religieuse du capitalisme, dans la mesure où elle permet de comprendre comment l'idéologie, la morale peuvent entrer en ligne de compte. Et en même temps, on est gêné. Comme pour les explications précédentes, on est gêné parce que, évidemment, il y a des pays où la religion protestante n'était pas dominante et qui sont capitalistes. Est-ce que le capitalisme s'appuie nécessairement sur la religion protestante? C'est compliqué. La France est d'origine catholique. Le capitalisme commerçant s'était déjà largement développé avant la réforme. Hein, ça, c'est quand même un élément important à prendre en compte. Et puis la Chine confucéenne du début du XXe siècle s'est développée industriellement rapidement, puissamment. On pourrait faire la même démonstration pour le judaïsme, dont un certain courant antisémite a finalement eu tendance à considérer que c'était une forme d'équivalent au capitalisme. On sait maintenant que c'est évidemment complètement faux. Et puis on a l'idée des monarchies pétrolières du Golfe, pour lesquelles la proscription de l'usure n'empêche pas véritablement d'accumuler des pétrodollars sur des générations. Donc voilà, merci pour cette explication. Quand on la lit, on est convaincu. Et en même temps, il faut creuser plus loin. On n'est pas complètement satisfait. Donc, très bien, Max Weber. moment essentiel de la réflexion sur l'évolution du capitalisme, les origines du capitalisme, mais ça ne suffit pas pour comprendre la naissance du capitalisme de regarder la religion. D'ailleurs, Quentin Ravelli, c'est vrai que si l'on regarde les progrès techniques avant les grandes usines, vous les avez écartées, celles du 19e siècle comme origine du capitalisme, nous avons beaucoup déjà techniquement de signes qui montrent que nous tendons vers le capital. On parle de proto-industrie, on pourrait parler de fabrique. Mais tous ces éléments-là qui nous conduisent au Moyen-Âge suffisent pour dire que tiens, le capitalisme pourrait être né à d'autres moments par les progrès techniques. Alors par les progrès techniques, c'est compliqué parce que on se retrouve embarqué vraiment très loin, presque dans l'Antiquité. Il y a déjà des fabriques de briques, de verre, d'amphores, de façon assez standardisée et développée. Mais sans aller jusque-là tout de suite, il y a d'abord autre chose. Il y a le fait que cette classe de commerçants, avec leurs techniques particulières, qui sont des technologies comptables, financières, la comptabilité en partie double, comme on l'appelle, s'inspirant notamment des innovations comptables qu'on peut trouver à Florence, mais aussi avec évidemment les chiffres arabes qui arrivent de l'autre côté de la Méditerranée. Toutes ces transformations-là, à une époque où on a déjà des dynasties de marchands à la tête des républiques commerçantes italiennes qui ont des quantités de capital déjà accumulées au fil des siècles. Dès le 13e siècle, on peut considérer qu'il y a une classe de marchands qui domine économiquement l'Europe et qu'on retrouve dans de nombreux tableaux, par exemple, qui mettent en scène ces familles-là, les Fugger, les Fetati, les Hofstadters, etc. Oui, l'économie monde, la mondialisation pour simplifier, que l'on associe souvent à notre siècle ou au XXe siècle, en fait, est quelque chose, mais ça a été montré par les historiens, Patrick Boucheron notamment, est quelque chose déjà existant au Moyen-Âge. Donc, il faut écarter tous ces éléments-là. Dites donc, Quentin Ravelli, nous peinons à trouver les origines du capitalisme. C'est pas facile, mais nous tirons le fil et en partant du XIXe siècle, nous descendons tout doucement. Mais malgré tout, il y a une idée qui est sans cesse présente. C'est l'analyse que Karl Marx a pu faire du capitalisme avec cette notion d'accumulation de capital. Et ça, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui transcende en fait la réflexion. Donc la mondialisation, on l'a évoqué, ça existait déjà dans le Moyen-Âge. L'accumulation du capital, on la comprend bien, accumulation de richesses. Et l'aspect comptable, vous, dans votre article dans la revue Tracé, vous évoquez même les tablettes mésopotamiennes. Donc malgré tout, la question se pose de même de la définition du capitalisme en fait. Oui, j'ai l'impression que derrière ces querelles de faits, de chiffres, on a un problème plus fondamental qui est celui de réussir à définir ce que c'est que le capitalisme. Quand on s'intéresse peut-être à la théorie la plus développée, approfondie, inédite aussi du capital commercial, qui est celle de Fernand Braudel, il parle... donc pour le 12e, 13e, 14e siècle, de progressivement l'accumulation de petits feux de paille encore fragiles dans un vaste champ d'herbes sèches. Donc on voit bien à la fois les étincelles, le feu qui commence à germer en différents endroits, et en même temps la matière qui permet à ce feu de se propager. Cette matière-là, ce champ d'herbes sèches, il existe à l'époque dont parle Karl Marx, comme vous venez de le mentionner, il n'existe pas encore dans le capitalisme antique. Et c'est ça qui fait toute la différence. Contrairement à une vision un peu téléologique, progressiste du capitalisme, qui aurait finalement toujours été un peu là, en germe, déjà dans les techniques de comptabilité des marchands assyriens ou dans les tablettes d'argile du 19e siècle avant Jésus-Christ. C'est vrai que mais à ce moment-là, on fait remonter le capitalisme à la naissance de l'écriture et il y a quelque chose qui convient pas non plus parce qu'en réalité à cette époque-là, toute la société fonctionne autrement. Il y a un esclavagisme encore très répandu, il y a beaucoup d'obstacles à ce que ces graines puissent germer. C'est ça qui, à mon sens, fait la force de la théorie de l'expropriation et de l'accumulation primitive, c'est que ça a le mérite de marquer une date claire, pas une date au sens d'une année, hein, mais plutôt au sens d'un processus. C'est le processus de naissance du capitalisme accroché au train d'une classe sociale qui germe. Parce que sinon, la difficulté qu'on a à remonter comme ça, par régression infiniment jusqu'à l'Antiquité, aux marchands assyriens, c'est que finalement, on associe le capitalisme simplement à une seule classe, à ceux qu'ils détiennent, et pas à ceux qu'ils font fonctionner. Et c'est évidemment insatisfaisant intellectuellement, et c'est pour ça qu'il faut se tourner notamment vers la théorie de l'accumulation primitive. Et puis dans tous ces petits feux de paille que vous évoquiez, Quentin Ravelli, il y en a certains qui sont particulièrement intéressants pour voir comment le capitalisme peut se développer. C'est ce qui peut nous conduire dans les îles, ce qui peut nous conduire sur la question de la traite négrière. Et à ce moment-là, du cours de l'histoire sur France Culture, nous allons retrouver Herman Melville, mais pas du tout pour Moby Dick. Pas besoin de baleine à ce moment-là. Non, pour Benito Cereno, qui est une nouvelle de Melville, une nouvelle qui nous est lue ce matin par Nathalie Canoui. Lorsque la chaloupe eut été enfin arrimée par le travers du passavant, sa quille, séparée encore de la coque par quelques pouces, crissa aigrement comme sur un récif de corail sous-marin. C'était une énorme saillie de balane agglomérée qui adhérait sous l'eau au flanc du navire, ainsi qu'une verrue. Témoignage des brises capricieuses et des longs calmes qui avaient retenu l'étranger quelque part dans ces mers. Montant à bord, le visiteur se trouva aussitôt entouré d'une foule vociférante de blancs et de noirs, parmi lesquels les derniers excédaient le nombre des premiers, dans une proportion inattendue, bien que ce navire étranger fût consacré à la traite. Cependant, dans un seul langage et d'une seule voix, tous se mirent à débiter un commun récit de souffrance, les négresses, qui ne laissaient pas d'être fort nombreuses, surpassant des autres par leur douloureuse véhémence. Le scorbut, accompagné d'une fièvre, les avait cruellement décimés, emportant particulièrement les Espagnols. Au large du Cap Horn, ils avaient échappé de justesse au naufrage. Puis, pendant de longs jours, ils étaient demeurés immobiles, sans vent. Il ne leur restait que très peu de provisions, presque plus d'eau. Leurs lèvres, en ce moment même, étaient desséchées. Tandis que le capitaine de l'anneau servait ainsi de point de mire à toutes ces langues volubiles, il inspectait du regard avec une égale vivacité les visages et les objets qui l'entouraient. Un extrait de la nouvelle Benito Cereno d'Herman Melville, une nouvelle de 1855, qui nous conduit vers le pillage colonial, vers la traite négrière. Quentin Ravelli, quelle place a ce pillage colonial, vu sur le temps long, hein, nous ne sommes pas là encore dans une lecture contextualisée du 19e siècle telle qu'on imagine la colonisation, une lecture beaucoup plus longue, quelle place à ce pillage colonial dans une hypothétique naissance du capitalisme? C'est intéressant que vous mentionniez Herman Melville parce que un des militants révolutionnaires du 20e siècle, C.L.R. James, avait fait un travail de critique littéraire sur Herman Melville, s'intéressant aux marchands, aux pirates, et dans sa façon d'expliquer les choses, il y a une place importante sur l'esclavagisme et la colonisation. À mon sens, cette explication-là, effectivement sur le long terme, puisque le pillage colonial tel qu'on le connaît au 19e siècle remonte quand même à la fin du 11e siècle, hein, avec la toute première croisade, à mon avis ça fonctionne en couple avec la théorie de l'expropriation et de l'accumulation primitive. D'un côté, on a l'ouvriérisation très violente de tous les petits paysans qui travaillaient en commun sur leur terre et qui se retrouvent expulsés violemment par la révolution des enclosures à une époque où on finit par imposer la propriété, châtier les paysans qui ne respectent pas les game laws, c'est-à-dire la loi qui interdit de chasser le gibier, mais au plus tard aussi de ramasser le bois, ce sur quoi s'intéressera le tout jeune Marx. Donc on a tout ça d'un côté, une transformation profonde de la paysannerie européenne, expulsée de ses terres, et d'autre part un pillage violent du reste du monde par la guerre. Dans lequel, en fait, dans ce pillage, il n'y a pas simplement la colonisation, hein, par l'épée, puis par le canon, d'abord du Moyen-Orient et puis ensuite de l'Amérique latine, par le Portugal, et l'Espagne. On a aussi, à l'intérieur de ça, la traite. Et l'esclavagisme est intéressant parce que ça brouille un peu la succession un peu habituelle des modes de production aux États-Unis. Il y a encore un système esclavagiste qui fonctionne bien. Et donc l'accumulation primitive, loin d'être juste une date, moment de violence qu'on dépasse finalement après, comme le disent de manière un peu honteuse certains théoriciens de l'économie politique anglaise ou écossaise du XVIIIe siècle, et un long processus qui s'est poursuivi. Juste pour que les choses soient claires, il y a un auteur qui s'appelle Marcus Rediker d'aujourd'hui qui s'intéresse à la traversée de l'Atlantique et qui place au cœur des débuts de cette accumulation primitive le bateau qui opère la traite. Le bateau avec ses trois fonctions, sa fonction d'usine, hein, qui va transformer les esclaves en marchandises, sa fonction de prison, puisqu'il faut bien les garder, leur imposer cette servitude qui après sera au cœur de l'économie de plantation au sud des États-Unis, et aussi cette forteresse de nouvelles technologies à la pointe de ce que les chantiers navals de Liverpool sont capables de produire à cette époque-là, quoi. Donc on voit bien que ces deux choses-là fonctionnent en couple, mais qu'il y a un travail récent encore peu fait aujourd'hui, qui est celui de revenir sur l'origine économique du capitalisme par le biais de la traite des Noirs. Quentin Ravelli, nous vous comprenons bien, il n'y a pas de date, évidemment, de naissance du capitalisme. Il y a un processus à comprendre, un processus dans lequel la traite est essentielle, un processus qui nous fait traverser l'Atlantique avec des grands bateaux, qui nous fait arriver notamment en Haïti. Et à Haïti, il y a le culte vaudou, il y a les zombies. C'était un 2 décembre, nous étions en 1983 sur la chaîne MTV et pour la première fois, un clip était diffusé, celui de Thriller de Michael Jackson. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Thriller de Michael Jackson dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Père et Legras avec aujourd'hui à la technique Souad Boukorsa. Aujourd'hui, nous réfléchissons au capitalisme, à sa naissance et à sa mort. La naissance difficile à trouver pour le capitalisme, un processus pourquoi pas. Quant à la mort, elle n'est pas encore là, il est bien présent. Et pour nous parler de la géographie zombie, les ruines du capitalisme, c'est le titre de votre livre, Manouk Borzakian, nous avons un géographe. Vous êtes géographe et la réflexion que vous avez autour de ce monde zombie, c'est qu'il est une métaphore, ce n'est pas une révélation, nous le savons, du capitalisme. Il faut nous rappeler en quoi ce monde zombie est une métaphore de la ruine post-capitalisme. Alors, avant d'être une métaphore de sa ruine, c'est peut-être d'abord une métaphore de ses mécanismes et de ses origines. Et, enfin, c'est intéressant qu'on ait terminé sur l'esclavage, parce que clairement, le zombie haïtien est une légende, alors, dont les origines sont difficiles à identifier. Là aussi, la date de naissance du zombie, je me risquerai pas à essayer de la trouver. Donc, c'est probablement des légendes africaines qui se transforment en arrivant en Haïti et qui sont une métaphore de l'esclavage. Et donc, d'une certaine manière d'envisager le capitalisme avec la traite et puis ensuite l'exploitation des esclaves dans les plantations. Après, la difficulté, c'est que le zombie qui arrive après, on lui a donné le même nom, mais c'est pas sûr que ce soit le même phénomène. Et donc, il s'attaque vraiment à une critique complètement différente, beaucoup plus occidentalo-centrée, et pas tellement une critique des rapports de production, disons, mais plutôt une critique de la société de consommation, des fractures qui traversent la société nord-américaine et puis par extension les sociétés occidentales. Et ça commence dans les années 60 avec Romero, avec La Nuit des Morts Vivants, et donc là on est plus sur une critique de la vie quotidienne qui là aussi s'est développée dans les années 50-60 dans la sociologie et la philosophie. Donc il y a deux types de zombies, Manouk Borzakian. Il y a le zombie, on va dire, des origines à Haïti, issu d'une culture africaine et qui s'est développée dans le cadre de l'esclavage, quoi. Et ce zombie-là est repris par les Occidentaux, et notamment au cinéma. Là, on a des dates, hein. Dès les années 30, on trouve des zombies. Il y a sans doute un moment majeur dans l'histoire du zombie, c'est 1968, avec le film de George Romero, vous l'évoquiez, sur La Nuit des Morts Vivants. They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant! They're coming for you, Barbara. Toutes les stations de radio et de télévision se sont regroupées pour couvrir l'ensemble du pays d'un réseau d'informations ininterrompu. Vu la gravité de la situation, nous émettrons 24 heures sur 24, vous tenant au courant de tout fait nouveau. Tout le territoire est étroitement surveillé. De nouvelles radiations sont détectées. Tant que ces radiations ne seront pas neutralisées, tous les nouveaux cadavres se transformeront dans les minutes suivantes en monstres. La Nuit des Morts Vivants de George Romero en 1968. Manouk Borzakian, le géographe que vous êtes, porte une attention sur les lieux. Et c'est vrai que le zombie des origines vient des Caraïbes, c'est Haïti. Et avec La Nuit des Morts Vivants, nous changeons de lieu. Il y a un transfert et nous sommes même sur du local. C'est tout petit en fait, La Nuit des Morts Vivants, avec une extension mondiale. Ensuite, quel est le rapport que vous faites entre cette Nuit des Morts Vivants en 1968 et les critiques du capitalisme? Alors, peut-être que La Nuit des Morts Vivants n'est pas le meilleur exemple, précisément, parce que c'est encore vraiment un proto-zombie qui a tout un héritage dans le cinéma. Par contre, Romero, en 78, avec Dawn of the Dead, qui a été traduit par zombie dans sa version française, clairement s'attaque à l'idée que... c'est le même principe que La Nuit des Morts Vivants, des survivants s'enferment dans un centre commercial, donc évidemment, lieu hautement symbolique, et ça va être une critique à certains égards très ambigu de la société de consommation, puisqu'ils vont se livrer à des pillages à l'intérieur du centre commercial, et en même temps c'est le seul endroit où ils sont protégés, et en même temps leur vie est pas très satisfaisante malgré le fait qu'ils aient accès à tout ce qu'ils veulent. Donc il y a cette critique très ambigu de la société de consommation, mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant, et en particulier du point de vue de la géographie dans la figure du zombie, dépasse largement les films de zombies. D'abord, on la retrouve dans tout un imaginaire dans le cinéma post-apocalyptique, Mad Max, ou des films de science-fiction plus récents. Diane Scott a écrit sur cette fascination pour les ruines depuis des années 80-90. Donc ça dépasse largement la critique de la société de consommation, et ça raconte plutôt un monde dans lequel, enfin en tout cas c'est l'interprétation que je propose, la marchandisation, je schématise un peu, mais la marchandisation généralisée des relations humaines, et notamment de nos relations à l'environnement, donc à ce qui nous entoure, crée un monde qui manque cruellement de repères pour s'y comporter, disons, de manière normale, en utilisant les prises qui étaient disponibles dans le monde tel qu'on le connaissait avant. Et dans le film Zombie, c'est vrai, de 1978 de Romero, où les gens se réfugient dans un supermarché, c'est exceptionnel, parce qu'ils sont entourés de zombies qui les attaquent de partout, et la fin du monde est proche, mais que font-ils ? Ils consomment, parce qu'il faut consommer. Mais malgré tout, dans le premier film de Romero, celui de 1968, La nuit des morts vivants, Manouk Borzakian, il y a des éléments intéressants liés à l'ensemble de la société telle que le propose la société du capitalisme, c'est-à-dire les rapports sociaux, qui, dans ce film-là, sont complètement brisé. Et c'est aussi un écho au capitalisme. Il y a le personnage qui est formidable d'ailleurs, de cet homme qui est le héros du film, qui est noir et qui malgré tout dans le film à un moment de fin du monde est rejeté toujours. Il y a ces critiques-là aussi, il y a la critique de la société à travers le zombie, la société que propose le capitalisme. Oui, bien sûr, ça raconte les fractures de la société nord-américaine en 68, qui sont des fractures raciales, sexuelles, enfin de genre, et générationnel, et enfin tout y passe, y compris de manière, enfin c'est transparent, et Martin Luther King a été assassiné quelques mois avant, je vais pas dévoiler la fin de La nuit des morts vivants, même si je pense que tout le monde l'a vu aujourd'hui, mais ça se termine de manière assez prévisible de ce point de vue-là. Donc il y a bien sûr un discours sur, alors qu'on pourrait interpréter comme le refoulé, disons justement, de cette société capitaliste d'abondance qui en 68 est encore en train de profiter du fordisme triomphant des Trente Glorieuses, mais qui en même temps, pour tout un tas de raisons, sent bien que ça peut possiblement pas durer éternellement. Et effectivement, le choc pétrolier, c'est quelques années après, 73. Et donc probablement que La nuit des morts vivants rend compte de cette inquiétude d'un effondrement proche, ou en tout cas de certains éléments qui vont s'effondrer et qui font qu'il faudra réinventer la société occidentale. Manouk Borzakian, dans Géographie zombie, les ruines du capitalisme, vous êtes appuyé. Alors le cinéma, effectivement, est quelque chose d'essentiel pour notre représentation de ce monde-là. Nous avons cité les films de Romero. Il y en a d'autres, hein. Bienvenue à Zombieland de Ruben Fleischer. Il y a toute la série Walking Dead, The Walking Dead. Tout ça, nous sommes dans un univers zombie. Et dans cette possible société après capitalisme, ou en tout cas généré par le capitalisme, vous analysez les postures possibles en fait. Elles sont intéressantes parce que ça donne les différentes voies que l'on peut prendre. Parmi celles-ci, il y a la posture classique de recréer une société protégée, qui est en fait un modèle idéalisé de ce qu'il y avait avant. Ou pas ? Oui, disons, du moment où les repères s'effondrent, on n'a qu'une idée, c'est d'essayer de reconstituer ce qu'on connaît. Puisque, fatalement, on vit au milieu des ruines, donc on va essayer de reconstruire quelque chose de solide. Mais à quel prix ? Puisqu'en général, ça va se faire au prix d'exclusion d'une grande partie de la société. Donc, on reconstruit comme avant, mais on reconstruit pour une petite minorité. Et donc, ça passe. Enfin, disons, là d'ailleurs, c'est pas que le capitalisme qui est en question. C'est vraiment la question de la construction politique dans une période de crise, y compris la crise écologique. Puisque la question, c'est est-ce que la crise justifie des modèles politiques autoritaires, inégalitaires, etc. C'est-à-dire que la question qui traverse The Walking Dead, par exemple, c'est la question de, face à cette crise, qu'est-ce qui est justifié politiquement ? C'est-à-dire, comment on va s'en sortir, et deux, à quel prix ? Et c'est l'affrontement, au moins sur les premières saisons, c'est vraiment l'affrontement entre ceux qui vont vouloir rester fidèles à un certain nombre de valeurs éthiques et préserver un vivre ensemble acceptable philosophiquement, et ceux qui prétendent qu'au nom de la situation exceptionnelle et de l'effondrement généralisé, l'autoritarisme politique est de mise et est la seule solution de la survie. Et puis, dans les différentes démarches possibles, il y a l'opposé, c'est-à-dire l'individualisme à outrance. Et là, c'est la figure du héros dans un monde apocalyptique. Alors, effectivement, il y a une troisième figure qui se faufile entre les deux options que je viens de dire, qui est celle du héros solitaire, alors qui là puise aussi dans un imaginaire du western, et qui est alors qu'on retrouve dans presque tous les films de zombies ou toutes les séries, qui est celui qui, disons, s'en lave les mains et tente de survivre au milieu de ce truc en ne faisant pas trop de concessions philosophiques lui-même, enfin éthiques plutôt. Et c'est peut-être la figure la plus représentative de ça, en un sens, sur un ton, disons, humoristique, ça serait l'ermite du dernier film de Jarmusch qui à la fois ne veut plus avoir affaire à l'humanité et en même temps, on pourrait lui reprocher d'être, qu'il le veuille ou non, de plein pied dans cette société et de pas vouloir assumer ses responsabilités. Donc, dans cette géographie du monde zombie, non mais la géographie zombie, vous avez ce regard sur le capitalisme qui, en fait, systématiquement, et nous le ressentons déjà quand nous discutions avec Quentin Ravelli, il y a des conséquences sociales. C'est-à-dire que le capitalisme n'est pas simplement un mode de production économique, c'est un ensemble de la société, et le géographe que vous êtes, Manouk Borzakian, ne peut pas se départir de l'analyse du social, donc c'est de la géographie humaine en fait, la géographie zombie. Ah oui, c'est même de la géographie sociale, enfin, ou de la géographie culturelle, après on rentre dans des questionnements sur les découpages disciplinaires. Oui, la question du rapport à l'espace, c'est évidemment la question de la manière dont on structure notre société. Donc inévitablement, la question de l'aménagement face à la crise, la question politique face à la crise, sont des questions qui passent par des constructions spatiales, des reconstructions de frontières, de murs, de délimitations. Et qui font écho vraiment à notre actualité, tout ce qu'on dit, la peur de l'arrivée massive de l'autre, la volonté de construire un mur. Ces zombies nous parlent beaucoup, mais dans le cours de l'histoire sur France Culture, il est l'heure de recevoir quelqu'un qui est bien vivant. Et oui, loin d'être un zombie, c'est un Haïtien pour son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kier. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, dans le journal de l'histoire, faut-il avoir peur du loup ? Un loup argenté a été aperçu à 85 km de Bordeaux. L'heure est grave. La nouvelle fait événement parce que cette présence est inédite et relance un débat récurrent depuis 25 ans sur le retour du loup en France, au grand dam de certains et pour la plus grande joie des autres. Un conflit historique entre éleveurs, chasseurs et écologistes. Des négociations houleuses ont conduit à l'adoption d'un plan loup en cours depuis l'année dernière. Une inquiétude prise au sérieux par les historiens aussi, qui tentent d'apporter des réponses pour comprendre les relations entre le loup et l'homme. Le loup s'est introduit dans cet immense enclos et a dévoré au total 6 agneaux. Mon sentiment, c'est désespéré qu'on est. Moi, ça me rend malade, ça. Si le bétail constitue la cible privilégiée des loups aujourd'hui, l'homme a également constitué une belle proie. Jean-Marc Morisseau, dans son ouvrage « Histoire du méchant loup », l'a démontré en compulsant près de 10 000 données qui l'attestent. Mais entre le 15e et le 18e siècle, on meurt d'épidémies et de malnutrition avant de faire une mauvaise rencontre au croc acéré. Et dans la catégorie des morts accidentelles, on trouve davantage de noyades ou de simples chutes que d'attaques de loups. C'est la brutalité des conditions du décès qui fait événement et nourrit les imaginaires pour longtemps. Une transgression du rapport établi entre l'homme et l'animal, le premier n'étant plus le maître du second. Cette peur contagieuse se transmet de génération en génération, alors que les loups dévoreurs d'hommes disparaissent progressivement jusqu'à la fin du XIXe siècle. Il faut aussi signaler que les crises de loups restent très locales. Dans la très célèbre affaire de la bête du Gévaudan sous Louis XV, c'est sa médiatisation qui lui donne son ampleur nationale, un fléau secondaire qui prend aussi le devant de la scène du fait de la décélération des famines, des épidémies et des guerres. Mais pour les témoins, c'est toujours un événement sans précédent. Un loup carnassier prit l'enfant de François Malarin à la porte de sa maison. C'est intéressant puisque le loup entre dans les villages et peut aller saisir des petites proies faciles en plein cœur, en quelque sorte, de l'habitat domestique, en présence de sa mère. Donc sa mère était là, qui ne put jamais le lui arracher des dents. Donc sa mère, évidemment, a défendu l'enfant contre le loup, mais elle n'y a pas réussi. L'identité des victimes, souvent des enfants, ne peut pas non plus laisser indifférent. À y regarder de plus près, ce sont eux qui gardaient les troupeaux et constituaient des proies faciles, isolées et très exposées en pleine nature. Dans les régions surpeuplées, se faire croquer un enfant pouvait même paraître moins préoccupant que la disparition d'une brebis. La rage, apparue parmi les loups au XIIIe siècle, perturbe aussi la perception du comportement de nos bêtes de compte. La violence des attaques est amplifiée par la furie et le traumatisme des populations en est d'autant plus durable. L'histoire des activités humaines influe directement sur la densité du tableau de chasse des loups. On meurt moins depuis que l'on ne se déplace plus sur de longues distances à pied, depuis la multiplication des routes et des voies ferrées et l'extension maximale de l'occupation humaine du territoire. Entre le loup et l'homme, les relations sont conflictuelles, une mémoire noire réactivée depuis la réapparition du loup sur le sol national en 1993. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Et alors ? Alors ? Les loups, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Les loups ne sont pas à Paris. Si la question se fait brûlante en France, ce n'est pas le cas ailleurs, chez nos voisins européens, où les loups, parfois plus nombreux, cohabitent paisiblement avec les hommes, les femmes et même avec les enfants. Une géopolitique fluctuante du loup, explorée par un collectif international de chercheurs en sciences humaines, mené par les historiens Philippe Madeline et Jean-Marc Morisseau, sous le titre « Repenser le sauvage grâce au retour du loup ». À travers cet exemple, les chercheurs s'interrogent sur les relations entre les hommes et les nuisibles ou les prédateurs, bref, avec l'animal sauvage. Une relation à réinventer peut-être, avec un peu d'aide, comme l'écrit le philosophe Jean-Baptiste Morisseau. Je cite « On a besoin de diplomates entre hommes et loups, littéralement. De diplomates garous pour décoder ces mœurs exotiques. » Loup, loup, y es-tu ? Merci beaucoup Anaïs Kien. On retrouve tous les articles et les livres que vous avez cités sur la page du Journal de l'Histoire. C'est sur franceculture.fr. Les loups arrivent près de chez nous. Dans cette réflexion que nous avons eue sur la naissance et la mort éventuelle du capitalisme, vous écrivez que sur la notion de cause du capitalisme, dès que l'on comprend quel groupe social a intérêt à son maintien ou à son renversement, alors on peut penser avec cohérence la fin de l'époque capitaliste comme projet de transformation choisi et non comme catastrophe imposée. Donc ce n'est pas une catastrophe imposée, ce n'est pas le monde des zombies obligatoirement. On peut sortir du capitalisme. Oui, en fait, il y a différentes fins possibles. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les auteurs qui sont intéressés à la naissance du capitalisme, tous projettent en fait la fin. Ils commencent même par la fin. C'est parce que la fin est possible, voire souhaitable, qu'ils en viennent à imaginer la naissance pour confronter leur volonté de s'en défaire à l'origine. Et donc là, on a l'idée d'une révolution qui est peut-être pas le filon le plus exploité des films de zombies, mais qui est peut-être celui qu'on a le plus vu ces derniers mois en France, par exemple. Voilà, écho encore à l'actualité. Merci beaucoup Quentin Ravalli, merci beaucoup Manouk Borzakian. Cette réflexion sur la vie et la mort du capitalisme dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Viudès, Camille André et Alexandre Manzanares. La semaine prochaine, territoire et culture, l'œuf ou la poule. Est-ce la culture qui fait le territoire ou bien est-ce le territoire qui fait la culture ?